Hey, la pierre à matin à Arcan, là, c'est bien écouté, là. Ouais. Il a tout sorti le contrat avec les Chinois de la France. Ah oui. C'est sur la place publique. J'ai dit, mais c'est un tabarnak pareil. Peut-être pas 4 millions du 30 secondes, il n'est pas ovale, il ne porte pas de casque, mais bien des amateurs aimeraient le toucher. Voici votre animateur, la Super Bowl, Jean-Philippe Faux! Hey, merci tabarouette. Va falloir faire un plus long thème, hein, oui. Parce que ouais, hein. Vous avez du souffle, Fred Savard. Hein. Eh hey boy, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement de temps de nous remettre de la maudite commission Charbonneau. Ah. Hey, Fred Savard, on est écœuré? C'est clair. Ah, c'est comme... Donnez-moi un plat que je vomisse, je suis plus capable. Ah là, mais... Non, mais qu'on mette le feu là-dedans qu'on recommence à zéro. Ah vraiment, oui. Là, écoute, ah franchement, bon, on est même plus capable de faire des blagues, c'est la commission Charbonneau. On est rendu, on écrit le matin, on se... On a tout dit, ils sont plus drôles que nous autres. Ils sont plus drôles que nous autres, c'est ça le problème. Je peux pas faire mieux que ça, moi. Ah, regarde, puis il me semble que ça va mal partout. Ah oui. Juste cette semaine, là, hein, on regarde ça. Hein, ça a commencé avec 4 hauts gradés de la SQ qui ont été accusés de fraude. Ben oui. Boum. Hein? Oui. En début de semaine. Oui. Après ça, on apprend évidemment Bixi qui donne des bonus à ses employés juste avant faillite. Oui. Boum. Encore un autre. Puis c'est pas rien, ça, on apprend aussi que c'est les Chinois qui viennent faire notre autoroute 30 à oui. nous autres. Oui. T'es cœur, hein. Y'a-t-il quelqu'un qui te parle qu'il nous faut pas? Ah! Je ne demande que ça, ne pas me faire fourrer, Fred. Je ne demande que ça, mais non, ça arrive de tout bord, tout côté. Bon, ça ressemble à mes vendredis soirs chez Roger, ça. Ah oui, c'est... Vous avez des vendredis soirs occupés, frère? Oh, wow! Non, mais il me semble qu'on a besoin d'une bonne nouvelle. Oui. Juste une bonne nouvelle pour se sortir du marasme, là, non? Il y a peut-être quelque chose, il y a le catagénique, là, le chant de gorge inuit, qui fait son entrée au registre du patrimoine culturel. Ben non, mais... Ben oui, c'est vrai, le chant de gorge inuit. Oui! Fait... Hey, c'est pas rien, ça! Non! Et moi, j'adore ça, le chant de gorge inuit. Ben oui, je connais une chanson, moi. Mais c'est une chanson! Ben oui! Allez-y donc! Vous voulez que je la chante? Ben j'aimerais ça. Une chanson de ma jeunesse? Oui! En inuit. Allez-y! Cœur de rocker. Bon, j'ai appris ça. C'est en inuit. C'est pas facile à comprendre. C'est pas que Julien Clerc est inuit, on ne le savait pas. Ben oui. C'est un des premiers inuits. Ben oui. Vous devriez voir sa maison à Paris. Ah ouais. En pierre de savon. Ah ouais. Oui. Bon, je savais pas ça. Ah, petite culture, monsieur Savard. Ah. Petite culture. Ça, c'est les X. Ouais. Ah, vieux maudit. Sinon, avez-vous d'autres bonnes nouvelles? Il doit en avoir d'autres. À septembre 2015, on va pouvoir avoir des plaques d'immatriculation personnalisées. Hein? C'est-tu pas le fun, c'est-tu un beau vent de fraîcheur, enfin, ça? Enfin! On va pouvoir faire des petites blagues drôles sur le derrière de nos voitures. Ah. C'est donc mal fun, moi, ça. J'ai déjà mon idée pour ma plaque. Moi. Arrêtez donc, c'est oui. quoi? SVB 679. Mais c'est pas drôle, c'est un vrai numéro. Ouais, je sais, c'est ironique, c'est une plaque personnalisée hipster. Ah! C'est déjà très drôle. Hein? Ma plaque va être carottée, ouais. avec une moustache, ah! elle va être laide, ça va être bien drôle. Ah oui? Ouais. Vous avez de l'air tanné. Hein? Ah, tabarouette que je tanné. Les hipsters, bon. C'est pas votre... Non. Je vous inviterai pas chez nous. Non. OK, hey, non, mais ça va pas si mal que ça au Québec. Hey, quand une société peut se permettre des plaques personnalisées, franchement, ce n'est pas vrai qu'elle va dans un mur. Non, hein? On va pas en auto, ça c'est sûr. Non, ça c'est clair. Sinon, quoi d'autre, quoi d'autre? Il y a Justin Trudeau, hein? Oui. Qui a pas chômé. Non. Il a coulissé dehors de son caucus 32 sénateurs, c'est ouais, pas rien, ça. C'est un geste franchement gérontophobe, on va se le dire. Ah, mais non, il y avait pas juste des vieux, frère. Ah non? Non, il y en avait qui faisaient juste rien. Ah, OK. Il n'y a pas de problème là. Okay. Mais peut-être, en fait, que Justin, il a fait comme Michel Arsenault, hein, puis il a fait une petite farce plate. Ah, oui, il paraît que le deal avec Blanchette, là, c'était un brainstorm. Oui, oui, ben oui. En fait, ce qu'il a dit, c'est avoir su qu'il était enregistré, il se serait retenu. Ah! Il paraît d'ailleurs que Cœur de pirate a dit la même chose après avoir enregistré son album. Ah ouais. Oh yeah. Oui, mais Cœur sacre moins qu'Arsenault, par exemple. Ah, c'est son prénom, Cœur. Cœur, oui, c'est ça. Oui, ah? De pirate, c'est son nom de famille, c'est une particule. Ah, de pirate, c'est de la noblesse. Ça sonne français, d'ailleurs. Ben oui. Ah, mon Dieu, oui. Oui. Sinon, quoi d'autre? Il y a Philippe Couillard, oui. qui est sorti de son mutisme, hein, et il est venu nous dire, en fait, que Jean Charest n'avait jamais reçu 3 000 $ d'un lobbyiste. Ça, c'était très intéressant. Y a-tu dit d'autres choses, j'espère? Avez... Non, ah. non. Il a dit ça, il est retourné à son occupation principale. C'est-à-dire? Le coma. Ah! Et, il est très bon, hein. C'est lui qui a appris très à Michael bon. Schumacher, il paraît. Une petite blague. Hein? Ça touche personne ici. Ouais. Il y a pas de... OK. Mais n'empêche, il y en a un qu'on rêve de voir dans le coma, ah, c'est oui. Rob Ford. Hein? Oui. Hey. Non, mais Rob aurait organisé une attaque contre son beau-frère. Ça, c'est l'ex de sa sœur qui était en prison. Hein? Oui, une attaque d'ailleurs en prison. Ouais. C'est fin, hein? C'est du beau monde. Du beau monde, ah, ouais. Puis les médias qui s'acharnent contre ça, franchement. Même plus le droit d'être en prison puis se faire casser la gueule tranquille. Triste époque. Bien triste époque, Fred, franchement. Quoi d'autre sinon? Ah, ben, il y a Justin Bieber qui a eu plus de chance que l'ex-beau-frère, en fait, parce que lui, il a reçu l'appui de Rob Ford pour continuer dans sa croisade à être un tata. Oui. Hein? Ça va bien. Ça va bien, ça. La solidarité en toxicomane, moi, ça me touche. Ouais. Ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. On est tous frères quelque part, Fred. Tous frères, oui. Il y a quelque chose qui nous lie, vous. Oui. Ouais. Le contrat. C'est une drogue, ça aussi. Ah. Oh boy, mais il y a une petite touche d'amitié qui se développe après maintenant 5 ans. Parlant de solidarité, on reçoit un grand syndicaliste à l'émission cette semaine, le témoin vedette de la commission Charbonneau, Ken Pereira. On est très contents. Hey! On y doit beaucoup à lui. Ah ouais, mais enfin un héros à l'émission, on peut se le dire, là. Bon, on a quand même reçu un membre de l'Académie française, Fred. Ouais, mais quand même, c'est... Ouais. Ouais, hein, c'est pas... T'as fait un héros, là. Non, mais quand même. Ouais. T'avais-tu lu ses livres, ça? Non, oui. Me semble. Enfin. Non, j'ai vu le film. Le film, c'est bien meilleur. C'est bien moins long. On va plus vite. Alors, on reçoit également l'éditorialiste et blogueur de la presse, François Cardinal. On est très content. J'espère qu'il est venu en Bixi pendant qu'il y en a encore. Ouais. Ils sont durs, ce temps-ci, les Bixi à trouver. Oui, oui, oui. C'est pas facile, pédaler dans la neige, frère. Eh hey boy, non. De toute façon, on va avoir le temps d'y demander, parce que la soirée est encore jeune. Hey, Olivier Niquette! Oui. Le gros Niquette! Ah, le gros, Astor. Bon. Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir Benoît Dutrisac prendre un break de ses vacances pour insulter la moitié du Québec sur Twitter. Ah! Hein? Il est fin, ce monsieur-là. Il est fin. Caroline. OK, on passe au courrier des auditeurs. Bon! Ben d'abord, il y a Simon-Pierre Sirois qui veut savoir « Est-ce que vous pourriez faire l'enregistrement un peu plus tard pour que j'aie le temps de me rendre? » Mais malheureusement, non. Hein, ça ne nous laisserait pas assez de temps pour mettre les rires en canne et couper tous les bouts où les scies de notre animateur ne mangent pas ses raies. Ça arrive. On a aussi... ça arrive. Gabriel Lemay qui demande « Combien bench Olivier Niquette? » Ben... Mais Gabi, je bench 250 gigaoctets gros. OK! Enfin, on a reçu un courriel de Thomas qui dit « Après avoir été témoin de propos antisémites sur les ondes de la première chaîne pendant la soirée est encore jeune, je demande le virement immédiat de Fred Savard. » Fred? Oui, alors pour le virement, vous avez deux choix, c'est compte chèque ou compte épargne. Alors, je vais avec mon numéro, le 1423-57-H17, et trois jours ouvrables avant que je puisse le prendre. D'accord, mon Dieu, mais c'est bien le fun de recevoir des emails hein? C'est de l'argent qu'on n'attendait pas. Des belles récompenses. Eh boy, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va bien. Vous? Oui, très bien, je vous remercie beaucoup. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Bien évidemment, Jean-Philippe, difficile pour moi de ne pas parler de l'événement Éric Duhaime cette semaine. Ah, le maudit Duhaime, hein? Oui, effectivement, donc vous le savez, hein, donc cette semaine à son émission de radio, en parlant de Jean-Pascal, qui, on le sait, est considéré comme un témoin important dans une affaire d'agression sexuelle. En fait, il a fait valoir que la communauté noire a très peu de représentants dont elle peut vraiment être fière. Et évidemment, j'ai trouvé ça très ordinaire, Jean-Philippe. C'est très ordinaire. Jean-Sébastien. Oui. Ordinaire d'apprendre que les Noirs n'ont pas de modèle. Ben non! Oui, et j'ai pensé relever le défi, Jean-Philippe, de trouver aujourd'hui, pour l'émission, un Noir connu qui a réussi dans la vie, pour lui demander comment il a fait pour devenir quelqu'un en dépit du fait qu'il n'existe pas vraiment de modèle inspirant dans sa communauté. Oui. Et, Jean-Philippe, devinez quoi? Quoi? J'en ai trouvé un. Ben voyons donc! Devinez qui? Ah ben là, devinez qui, écoutez, vous me posez une méchante bonne question, là, un modèle noir, écoutez, là, vous auriez dû m'avertir avant, je vais faire ça vite, là, attendez, José Lito Michaud! Ah ouais? Ouais. Il est noir, lui? Ben là, je sais plus, moi, ça va, c'est quoi que son... Le train va tellement vite, ouais, c'est ça, on sait pas. Vous me posez une colle, là, ben attendez un peu, j'en ai un autre, Vilémir Normil? Non, plus connu que ça, Jean-Philippe. Ah, plus connu? Oui. Ah, OK, on peut aller loin, là. Attendez un peu. Oui. Barack Obama! Ah, mon Dieu, presque! Ah, OK, ben Philippe Femiou! Exactement! Ah! J'ai tout de suite pensé à lui quand vous m'avez dit Barack Obama. Exactement. Moi, pour vrai, Philippe Femiou, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Oui. Je veux dire, un animateur noir à la première chaîne de Radio-Canada, je dis chapeau, monsieur. Non, ouais, non, il est pas ici première. En fait, il est juste à Espace Musique. Hein. Ah ouais? Oui. Bon, c'est une petite erreur de casting. Ouais, oui, hein? C'est moyen de changer ou... Non, ben, je vais faire quand même en entrevue, mais je veux dire, dans les faits, ça change rien. Il y a quand même plusieurs Noirs qui animent sur ici Radio-Canada Première. Ah oui, il y a une grande diversité. Comme qui, par exemple? Le jazz, là, ah, oui. L'animateur. L'auteur, la Stanley Pine. Stanley Pine. Oui. Pine. Mais en même temps, il anime aussi à Espace Musique, lui. Oh, la boulette. Ouais, c'est ça. Il faudrait pas qu'Espace Musique ferme, hein? Non! Il y aurait bien du taxi vedette à Montréal. Oui, mademoiselle! On dit madame, Jean-Philippe. Ah! Je savais pas que vous étiez mariée. Bon, on va s'en rester là pour le moment et je vous reviens dans quelques minutes, Jean-Philippe, avec Philippe Fémiot. Merci, Jean-Sébastien! À tout de suite! Ah, premier invité, Fred. Il a débuté sa carrière dans l'anonymat du devoir, mais il est maintenant éditorialiste vedette au Journal La Presse. Accueillons un grand amoureux de Montréal, Monsieur François Gardinal! Merci. Prenez siège. Merci. François, est-ce que je vous offre une bière? Je l'ai oublié là-bas, mais oui, bien sûr. Une grosse canette. Allez, on va parler des vrais sujets, François. Oui. Parce que c'était le budget de Montréal cette semaine. Oui. Et puis, en tant qu'amoureux de Montréal, critique de Montréal aussi, on s'est dit, ça serait important d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment la ville et qui nous raconte pas n'importe quoi, comme par exemple Denis Coderre, pour parler du budget. Et j'ai envie de demander, si on résume le budget rapidement, c'est un budget qui est dans l'austérité, mais qui a une augmentation de taxes foncières assez élevée, en moyenne. Dans l'austérité. On parle de réduction, d'augmentation, quand même. Réduction de l'augmentation. Ben, c'est ça, c'est austère, ça vient. C'est bien austère. En fait, ce qui est intéressant, c'est le spin et le contre-spin, évidemment, parce que le spin veut qu'on ait limité les hausses de taxes à l'inflation, qui est d'à peu près 1%, ou je me trompe pas de trop. Ouais. Or, les taxes ont augmenté jusqu'à 5% dans certains coins de la ville. Sur le plateau, 5%, oui. Exactement. Ouais. Donc, évidemment, la question qui se pose, est-ce que la péréquation dont profite le Québec au Canada, est-ce qu'il devrait y en avoir une à Montréal? Ouais, je pose la question. Tout à fait. Mais là, c'est compliqué. Parce qu'en même temps, il y a là des arrondissements. C'est peut-être parce qu'il y a des arrondissements qui sont plus touchés que d'autres. Est-ce qu'on devrait tous payer cher plutôt que certains payer plus cher que d'autres? Ben, moi, je serais assez d'accord parce que je vis sur le plateau, d'ailleurs. Fait que je serais assez d'accord qu'on partage ce fardeau-là. Vous êtes quand même assez d'accord avec ce budget-là, dans la mesure où, évidemment, l'opposition a fustigé le budget Coderre, mais François Cardinal était quand même assez d'accord. Positif. Positif parce qu'il y a eu néanmoins, là, malgré les hausses de taxes, tout ça, un contrôle des dépenses que l'on n'a pas vu au cours des dernières années. Là, on était habitué avec l'air tremblé, il faut s'en souvenir, des dépenses qui augmentaient de 4, 5, 6 % par année. Si après ça, ça finit par coûter cher aux contribuables, c'est pour ça. Ouais. Or, Denis Coderre, lui, dit qu'il l'a limité à 0,3 %. Dans les faits, c'est 1,3. Mais même à 1,3 % de limite des dépenses, c'est quand même considérable, surtout pour un maire qui vient d'arriver, là. Il a fait ça vite, il est bon, Denis. Mais il y a juste une main sur le volant, là, pour l'instant. Ben, l'autre, il mange la gomme avec. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est pas évident. Elle est bonne. Elle est bonne. N'empêche que, dans la presse, vous avez dit que si la hausse n'était pas trop élevée, c'était grâce au contexte politique qui a donné, en fait, un petit coup de pouce à l'administration qui profite d'une baisse soudaine du coût des travaux grâce à la commission et grâce indirectement à Ken Pereira. Hey, c'est pas rien, ça. Ça nous coûte moins cher. Faut-tu donner de l'argent à Ken Pereira? Sans Ken Pereira, les hausses de taxes auraient pu être beaucoup plus salées, 6-7 %. Donc, on remercie. Moi, je pense qu'il y a un pourcentage de notre salaire et des taxes qui devraient revenir directement à Ken Pereira. On n'appellerait pas ça des pots de vin. Là, on appellerait pas. Non, on ferait pas ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on pourrait faire ça à la fin d'émission. Il y a plusieurs Montréalais. Le problème, c'est que la plupart de notre public, c'est des gauchistes qui sont 8 dans les 4,5. Fait qu'en même temps, ils payent pas beaucoup de taxes municipales. Non, ils se partagent une poche, eux autres. C'est ça. Oui. Mais en jute. J'ai l'impression que Denis Coderre arrive avec des solutions. Et puis là, je sais, je dis ça souvent. Ouais. Je dis, gars, il fait quelque chose quand même, Denis. Je veux dire, tu sais, Gérald Tremblay, je l'ai pas entendu pendant 12 ans. Fait qu'à un moment donné, je dis, c'est le fun. D'un coup, on entend quelqu'un pour vrai. Honnêtement, moi, j'étais pas un fan de la première heure de Denis Coderre. Et je dois avouer que, à part peut-être la nomination de Philippe Schnob, je suis vraiment désolé, Philippe, mais c'est un bon journaliste. Pour le reste, c'est un très bon journaliste. Pour le reste, honnêtement, il prend des bonnes décisions jusqu'à maintenant. Vous parliez de ses priorités. Il y en a, il y a plusieurs priorités. Oui, par jour. Il y en a 22, par jour, je pense. Ouais. Par jour. 22? 22 priorités. Hier. C'est 22, hier. Ouais. Hier, 22. Il y en a 22. Ah ben oui, c'est ça. Non, je les ai calculées. Oui, c'est vrai. C'est dans la dizaine. Je me suis arrêté, je pense que j'étais à 18 à peu près. Ouais. Ça a commencé par... le citoyen. Oui. C'était sa première priorité. Ben, c'est niaiseux, mais tu sais, ce serait bête que non. Mais ça s'est décliné. On se souviendra, par exemple, des masseuses. Oui. Hein, les, ah, ben. Massages érotiques. C'est une de vos priorités. Tout à fait. C'est une de vos priorités aussi, Fred, des masseuses. Ouais. Franchement. Non, mais ça, c'est pour rire. Non. Voyons donc. Vendredi soir chez Roger. Oui. Hein? Les itinérants aussi, ce qui va être aussi bientôt moi, c'est ça, Jean-Philippe? Ben. Ouais. Bon, ben, mais une des priorités de Denis Coderre, est-ce que c'est de sauver le Bixi? Non, pas du tout. Ah, c'est ça? Hein? Non, non. Est-ce que le Bixi s'en va down the drain? C'est en anglais. Down the drain. Est-ce que c'est la fin du Bixi? Il pourrait passer au broyeur, en tout cas. Mais attendez un peu, oui, parce que ça, en fait, oui. L'annonce là, de la protection de la loi de la faillite, en fait, quand le Bixi a annoncé ça, vous avez écrit une chronique qui disait que la ville de Montréal avait misé sur le Bixi, mais la ville de Montréal avait perdu. Elle avait fait un pari qui était de dire « Nous ne ferons pas payer par les contribuables le Bixi. » On va le faire, on va faire en sorte qu'il soit autofinancé par les ventes à l'étranger. On l'a perdu. C'était le pari, ils l'ont perdu. OK, mais là, est-ce que au printemps, on va revoir des Bixi dans nos rues? Oui, mais ça sera peut-être le dernier. Ah, c'est vrai? Ben, je ne sais pas, là, on ne le sait pas personne. Cet été, honnêtement, c'est assuré. Ouais. Les Bixi vont être là, à peu près à 95%. OK. Fait qu'à la fin de l'année, c'est le temps de partir avec un des Bixi. Ouais, ouais. Peut-être, tantôt, vous faisiez référence aux primes qui ont été versées en décembre. Ça, s'il y a quelque chose qui me scandalise, c'est bien ça. Bien franchement, je suis pas du genre à me déchirer la chemise là quand des fonctionnaires font venir un clown, mettons, un vendredi après-midi, ou bien que des maires. Non, je parlais de Fred Savard regardant, mais mais ça là, bien franchement, ce qu'on n'a pas souligné ou pas assez en tout cas, c'est que les primes au total équivalaient à peu près à 225 000. Le remboursement à la ville de Montréal de Bixi, ça c'était de 250 000 par mois. Ils ont arrêté de payer en juin dernier. Ouais. Donc, pendant 6 mois, ils ont été en défaut de paiement sur 250 000. Mais à la fin de l'année, ils ont obtenu leur... c'est un... je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un complément au salaire. C'est scandaleux. Ouais. C'est peut-être légal dans les faits, mais c'est amoral, à mon avis. Puis là, c'est un petit peu technique, hein, mais le Bixi était sous l'égide des stationnements Montréal, qui était une compagnie privée. Mais en tout cas, en fait, qui ne nous permettait pas d'aller voir dans les livres. Non. C'est un peu ça. Ouais. Mais pourquoi avoir fait ça? Est-ce que Gérald Tremblay, puis là, on termine là-dessus, parce que Gérald, on s'en ennuie. Est-ce que Gérald Tremblay a voulu mal faire en faisant ça? Non, intentionnellement, mais pourquoi il a fait ça? Moi, je pense bien franchement que Gérald Tremblay n'a jamais voulu mal faire. Mais c'est ça qui est plate avec lui, il n'a jamais rien voulu faire. Ben, c'est ça. Mais il était entouré de gens qui, eux, voulaient mal faire. Il faut être épérard, ça paraît. Hein, non, il faut être épérard, on va le dire. Bon, regarde, François Cardinal et moi, on est d'accord, il faut être épérard. Bon, OK. Et je terminerai avec une dernière question. Vous, le pont Champlain, là, en 2018, est-ce que vous pensez que ça se peut? Parce qu'on a bien peur de rester pogné à Montréal, nous. Non. Ah non? Non. Il y avait une émission, d'ailleurs, c'était une émission qui se passait sur le plateau, puis à un moment donné, prenait un pont, il n'était plus jamais capable de revenir. Puis là, il disait, c'est pour ça que la banlieue, il y a autant de monde, les gens reviennent plus. Le jour où Champlain va être fermé à tout jamais, l'exode vers la banlieue, là, tous les gens de Montréal qui vont vers le 10-30 la fin de semaine, ils vont venir. Ça se passe un week-end, ils ne reviendront jamais. OK. Fait que je vous dis, 2018, là, allez pas au 10-30 si vous voulez rester sur l'île. Je vous pose la vraie question. Si on veut acheter, là, on achète à Montréal ou on achète en banlieue? On n'achète pas à l'île des Sœurs. Je m'attendais pas à ça. Parce que je dis, les 10 prochaines années là-bas, là, c'est. Un gros toit. À part un gros hélicoptère avec un gros héliport. D'un bord ou de l'autre. OK. Mais on s'assure de rester d'un bord ou de l'autre. Il ne faut pas vouloir traverser. Ah, ben mon Dieu, c'est aussi clair que ça. Ouais. Ben, c'est merveilleux. Ouais. Vous restez avec nous. Bien sûr. Parce qu'on va recevoir un de vos héros là, dans pas longtemps. Oui. Ben, grâce à lui, on paye moins de taxes à Montréal. Fait qu'on va tout bien le remercier. Ce serait tout bien bête de partir. Ben oui, je comprends. Hey, vous l'aimez, nous l'aimons. C'est une drogue et nous sommes accros. Voici un autre extrait de notre ami du Radiovision, le 1430 AM. Vous écoutez le Radiovision, le 1430 AM. Jean-Étienne Hood complètement courroucé parce que j'attends la commission Charbonneau depuis 2 semaines. Pendant nos maigres publicités de nos trop peu annonceurs, comme le restaurant La Mangrove Salée, j'ai les yeux rivés sur le petit téléviseur noir et blanc que nous avons dans le studio et qui est branché en permanence sur la commission. Gladys doit d'ailleurs me crier dans mes écouteurs pour que je revienne en onde. Je regarde et je me dis quoi? qu'il n'y a pas de Noirs qui comparaissent devant la juge chaque jour. Je sais des auditeurs m'écriront pour me dire que c'est une bonne nouvelle, que cela prouve la grande probité et l'honnêteté de notre communauté. Je dirais peut-être oui, mais à quel prix? Parce que pendant que nous sommes honnêtes, les Blancs se prélassent grassement sous des yachts à s'enduire le dos d'engins douteux sur des océans qui ont vu passer des bateaux négriers qui nous ont amenés en Amérique. Je pense qu'il est grand temps de réclamer notre part du gâteau. À quand des Noirs à la commission Charbonneau? À quand des gens de notre communauté à la tête des syndicats pour qu'eux aussi puissent mettre la main dans le plat de bonbons et se remplir les poches, pas seulement de réglisse noire que personne ne veut? À quand des Noirs qui pourront aussi dire, lors d'écoute électronique, crise d'asticolis de tabarnak, des Chinois pour construire l'autoroute 30, ça pas d'allure tabarnak. Chantez bas à bouclier, c'est caca et cabois. Chanter pour un âne, c'est des crottes qu'il vous donne. Non, nous ne recevons pas les reconnaissances que nous devrions. Le Québec pourra se dire non raciste quand enfin des Noirs crosseront eux aussi les contribuables, comme les Blancs. Ah, Jean-Étienne, hein? Toujours aussi sué à coche. Eh, hey, boy. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Seb! Ah, mon bonjour, Philippe. Eh bien, tel que promis, je me trouve avec l'animateur Philippe Thémiot, qui a eu la grande gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Première fois à vie, Jean-Philippe, que j'interviewe une personne noire. Ah. Et déjà, grande surprise, vous êtes arrivé à l'heure, Philippe. Et mon odeur vous dérange pas trop? Jusqu'à maintenant, non, j'ai un petit rhume, Dieu merci. Alors, Philippe, grosse semaine côté température, je veux dire. Vous avez dû avoir froid cette semaine? Ah, pas facile, mais on est fait froid. Évidemment, Philippe, si vous êtes aujourd'hui, c'est pas pour parler de la température, mais bien pour réagir aux propos de l'intellectuel Éric Duhaime. Je le rappelle, Éric Duhaime qui a affirmé à la radio que des modèles noirs, eh bien, ça n'existe pas. Difficile pour vous d'avoir des idoles auxquelles vous identifiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Tout à fait, oui, je suis d'accord avec le simien intellectuel, M. Duhaime, parce que nous, les Blacks, on n'a pas de héros, nous, hein. On n'a que des héros. Je pense, par exemple, à cet homme-là, c'est quoi son nom, là, l'illettré, là, celui qui est incapable de positionner le Québec sur la map, là, auteur de livres qui sont écrits tout proche, des livres qui pognent pas, accepter l'Académie. Je sais pas c'est quoi ça, l'Académie, mais l'année dernière, vraiment, là. Pas fort. Modèle poche. Même chose pour Michael Jean. Ah, Michael oui. Jean, une femme qui a pas de place. En même temps, je vous écoute, Philippe. Je vous trouve très dur au propos de votre communauté. Vous avez quand même certains modèles. Je pense à un Grégory Charles, par exemple. Ça, c'est inspirant quand même pour vous. Ben, nous, on le voit dans notre communauté comme le maillon faible de notre communauté. Il y a un autre là, qui est vraiment un modèle poche. Là. Karim Ouellet. Auteur, compositeur, interprète, qui gratte sa guitare, qui gratte, comme ça. Il essaie de se trouver une place dans le domaine de la chanson. Écoute, les gens ne veulent tellement pas qu'il est obligé constamment de faire la navette entre Paris, Montréal et Québec, parce que les gens ne veulent pas nulle part. Ben non, ils se le pitch. Ils devraient se contenter de jouer du tam-tam, si vous voulez mon avis. Je vous écoute, Philippe, et je remercie le petit Jésus d'être né de la bonne couleur. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve évidemment dans quelques minutes pour faire un état des lieux du racisme au Québec. Jean-Philippe, on vous revient tout de suite. Ah, merci Jean-Sébastien, c'est toujours le fun de vous parler. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Potier sur Ici Radio-Canada Première, une émission qui regrette que Justin Trudeau ne soit pas un sénateur libéral. Hey, ça aurait été drôle, hein? Boy, il serait surpris lui-même. Fred! Oui, alors, il paraît que le Québec va mal, mes amis. C'était écrit noir sur rouge dans le Journal de Montréal cette semaine. Ouais. Tout ça à cause d'une étude de la très progressiste École des hautes études commerciales qui affirme que le Québec est pratiquement en faillite. Évidemment, tous les chroniqueurs du Journal ont tiré à boulet rouge sur le modèle québécois, comme ils le font à chaque année, hein? Même Guy Fournier, qui s'est enrichi pendant 30 ans de subventions pour ses téléromans, trouve que maintenant, ça va faire, les subventions pour la culture. On ne tombe pas de notre chaise à lire des choses comme ça dans ce journal distribué gratuitement chez Tim Hortons, où les beignes ne sont pas toujours dans le présentoir. Mais question d'aller un peu plus loin que la critique facile de la position du Journal de Montréal, je me suis dit que je devais peut-être approfondir mon mépris envers cette institution en lisant l'épitome de cette pensée, c'est-à-dire le texte de Lise Ravary, ma très estimée collègue à l'émission C'est pas trop tôt, que je trouve nettement meilleur à la radio que sur papier. Un texte intitulé Les Pinots Caron de l'économie. Déjà, ça part mal comme comparaison, bien qu'en bon Pinot Caron, on peut trouver étrange que des gens se mettent à quatre pattes devant les entrepreneurs, une autre sorte de curé passé maître dans le quémandage au monde pour leurs bonnes œuvres. Alors, le texte ne se veut pas comique, mais mais nous fait rire d'entrée de jeu. Ça commence à Davos. L'entrepreneur saguenay Charles Sirois a dit que le Québec est prisonnier d'une mentalité de syndiqué. C'est quand même assez comique que Charles Sirois dénonce la mentalité de syndiqué alors qu'il a avoué lui-même être un chaud partisan des paradis fiscaux, tout comme les hauts gradés de la FTQ, finalement, qui ne rechignent pas à se la couler douce aux îles Vierges avec de l'argent pas propre. Mais je pense que M. Sirois parlait plutôt du syndiqué petit travailleur qui se fait entuber par son exécutif chamé-chamé avec nos grosses gommes gouvernementales. Madame Ravary poursuit. Nourrie à la petite cuillère de programmes sociaux dégoulinants de bonnes intentions, nous en sommes venus à croire que l'État a non seulement le pouvoir, mais le devoir de retirer toutes les épines des bouquets que nous offre la vie cheap-cheap. Des programmes sociaux. Des programmes sociaux dégoulinants. Je ne sais pas trop ce que Mme Ravary veut dire par là. Est-ce qu'elle parle des soins de santé pour les aînés? Est-ce que ce sont les aînés qui sont dégoulinants? Est-ce que c'est plutôt sa condescendance qui dégouline? Tout ça n'est pas très clair. Elle poursuit. J'exagère. Lundi, le patron de Cogeco, lui, Odette, a dévoilé les résultats d'un sondage crop interne. Un Québécois sur deux est d'avis que l'entreprise privée ne sert pas les intérêts de la population et voire même nuisible à la société. Est-ce qu'on peut se dire que les sondages internes, on se les roule, on se les dégouline et on se les insère dans le conduit arrière qui dégouline, lui aussi, quand on lit trop de résultats de sondages internes. Elle poursuit. Les bombardiers québécois, Aldo, Saputo, Banque Nationale, Métro, Jean Coutu, Couche-Tard, Unibrou et Tutti Quanti, plus de 1000 compagnies et des milliers, encore des milliers de PME, seraient inutiles, voire nuisibles à la société. Quand la moitié de la population fait aussi peu confiance aux entreprises, difficile de passer le message que le modèle québécois a dépassé sa fin de vie utile. Avoir confiance aux entreprises québécoises, pourquoi exactement? Une entreprise est là pour faire des profits, c'est très correct, mais pourquoi j'aurais confiance? Qu'elle va me sauver des programmes sociaux? Confiance que Québécois vend de la bouette dans son journal et se fait subventionner un amphithéâtre de 400 millions? J'ai confiance. Confiance que la Banque nationale me crosse à coups de frais bancaires mensuels? Oui, j'ai confiance. Confiance que Saint-Hubert me vend du poulet bourré d'hormone qui goûte le sel puis la sauce brune au sel? Oui, j'ai confiance. Plus loin, elle poursuit. N'en déplaise aux lobbies de gauche qui ont de bien meilleures presse que les lobbies pro-richesse, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Des lobbies pro-richesse, comme quoi Enbridge, l'Institut économique de Montréal, l'Auto-Québec, jamais entendu parler de lobbies pro-richesse. Des gens voudraient nous rendre riches et on ne les écouterait pas. Ben voyons donc, il y a des lobbies de gauche ou de droite, mais pas juste des lobbies de gauche ou des lobbies de bonheur. Je vais vous dire, moi, de quoi le Québec a besoin. Il a besoin de plus d'empire médiatique comme Québécois. Imaginez si tous les Québécois méprisants pouvaient compter sur des manias de la trempe de PKP qui les paieraient des 400-500 000 $ par année pour dire à leur tata de lecteurs qui gagnent mal leur vie qu'ils sont épais de penser que des programmes sociaux c'est bon, qu'il suffit de se retrousser les manches pour gagner 400-500 000 par année. Il n'a rien de déshonorant à être le poodle de mania de la presse. On est bien nourri, on a le poil toujours soyeux. Mais non, il n'y a juste qu'un empire comme Québécois au Québec. Le Québec voit trop petit Jean-Philippe, c'est ça le problème. Ah ben voyons donc! Vous me semblez être un sale gauchiste, Fred Savard. Ben je suis! C'est ma réputation, je dois la maintenir. Merci! Eh bien, c'est avec un grand malheur et rempli de malaise qu'on va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours avec Philippe Fémieux. Philippe, évidemment, toute cette histoire relance la question du racisme au Québec. A priori, on avait l'impression qu'en 2014, c'était derrière nous. Je veux dire, même moi, j'ai un ami noir. Bon, évidemment, c'est certain, j'ai toujours eu l'œil ouvert sur mon système de son. Mais quand même, on a toujours beaucoup de plaisir ensemble. Dites-moi, est-ce que le racisme d'Éric Duhem, un truc isolé ou c'est quand même encore présent aujourd'hui? Mais moi, je sais même pas pourquoi on parle de racisme au Québec. Parce que quand on regarde, par exemple, la télévision, là, la télévision est d'abord, les animateurs à la télévision sont d'abord et avant tout des gens issus de toutes les communautés culturelles, hein. Oui. Il y a vraiment très peu de blancs à la télévision. C'est majoritairement des noirs. Je pense que la place des noirs est deux, trois. Valorisée. Donc, je sais pas pourquoi on parle de racisme. Même chose dans les entreprises. Partout à travers le Québec, les cadres supérieurs, les noirs. Qui on retrouve en haut des pyramides des entreprises, sont tous des noirs. Mmh. Évidemment, j'ai beaucoup d'empathie pour le petit personnel qui se retrouve en bas, le petit personnel blanc qui doit travailler fort. J'ai beaucoup d'empathie, mais non, je ne sais pas pourquoi on parle de racisme. Non, non, je ne vois pas moi. Mais on va faire, évidemment, on va parler du mois des noirs parce que ça arrive un bien drôle de moment, évidemment, polémique. Juste savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans le cadre du mois des noirs. Est-ce que c'est essentiellement des compétitions de breakdancing, des dégustations d'insectes, des choses comme ça? Des concours où on mesure les narines. On va lancer un nouveau concours cette année, OK, en 2014. On n'est pas plus fiers de lancer ce concours-là. On est dans la foulée du bye-bye avec le blackface. C'est-tu drôle, ça? Ah, ça, c'est vraiment très désolant. Alors, nous, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va lancer le concours de blackface. C'est un concours là, qui est vraiment très prisé. Les inscriptions des dommages, là, on a fait. C'est déjà complet. C'est déjà complet, hélas. Dernière activité qu'on lance cette année, c'est le 400 mètres relais avec iPad volé. Ah! Ben oui! le iPad, la nouvelle télévision des Noirs. Merci beaucoup, Philippe. Alors, si vous avez des questions à poser à Philippe, vous pouvez les envoyer à la soirée à robert-canada.ca. On lui pose dans quelques minutes. Ben, vous savez pas comment on a hâte, hein? À tout de suite. Hey, bye-bye. Notre deuxième invité, Fred. C'est beaucoup grâce à lui que nous avons une commission d'enquête sur la construction. Il n'a peur de rien. Il pourrait prendre sa grue pour soulever ses couilles. Ah! Et là, Monsieur Ken Pereira! Hey! Ken! Je t'en prie. Une bière, Ken? Non. Ah, même pas? Ben, je n'ai bu hier. Ah, c'est correct. Moi aussi, j'en prends une à soir. Ouais. En tout cas, regarde. Hey, merci d'être ici, Ken Pereira. On est vraiment très, très, très contents de vous recevoir. Je pense qu'on vous doit une grosse, grosse main d'applaudissements. Oui. Honnêtement, oh, là, non, on... Yeah! On va se le dire, là. Première... Hey, non, mais pas... Non seulement ça nous coûte moins cher de taxes à Montréal à cause de vous, hein? On va se dire les vérités, mais deuxièmement, grâce à vous puis votre commission, Charbonneau, on peut rire toute la semaine, sans arrêt. On arrive le vendredi pour faire notre émission, les blagues sont presque déjà écrites. Et chacun des personnages qui passent à la commission Charbonneau, à part Michel Arsenault, est très, très drôle. Mais là, on va parler cette semaine parce qu'évidemment, il y a Michel Arsenault, un de vos bons amis, qui a passé la semaine, mais il fallait se dépêcher parce qu'il s'en allait en voyage. Là. On a appris, ben pas grand-chose finalement avec Michel. On a été un peu déçus. Vous avez pensé quoi, vous, du témoignage de Michel Arsenault? Ben, l'homme. Ouais. C'est lui. C'est qu'est-ce qu'il est là. Hein? Je veux dire, c'est un petit... un fin renard, un menteur, un manipulateur. Hein? Beaucoup, ouais. Il y a toutes ces belles... ces belles attitudes-là. Là. Je veux dire, avec moi, il était incroyable. Comment il m'a piégé, puis après, c'est... Ben, ah oui, c'était comme ça, lui. Tout à fait. Fait que ce qu'on a vu pendant la commission Charbonneau, c'était pas vrai. Ben, il a menti beaucoup. Ah oui? Non, mais arrêtez donc. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut jurer sur la... Ah oui? Ouais. Il était capable de faire ça. Parce qu'on a appris quand même... Écoutez, il a dit que il faisait des petites farces. Tu sais, c'était pas nécessairement brainstorming. Vrai. Des petits brainstorms, mais oui. Brainstorming. Ah, bon, mais ben là, tu sais, franchement. Mais brainstormons, justement, pendant qu'on y est. Nous autres, on va s'amuser un peu, là. C'est ça que j'ai fait quand j'ai laissé le message. Ben oui, c'est ça, vous avez brainstormé. Je faisais du brainstorming. Ben oui. Tout le monde brainstorm dans la vie, on peut dire n'importe quoi. Michel Arsenault a dit pendant sa comparution que vous mentiez, que vous aviez tort. Ça doit être chez vous pour entendre ça, ça doit être un peu... Je vais dire le mot crissant. Je sais pas, on a le droit de dire ça, là. Oui. Ça doit être fâchant. Ouais. Ça doit être fâchant, tabarouette. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous tweetez énormément ouais. pendant la commission Charbonneau? Ben moi, je suis ici une semaine sur trois. Ah, c'est ça. Ça veut dire quand je suis ici puis la commission à jouer, ben je me laisse aller un peu. C'est un besoin hein, de participer. Puis là, ben, vous étiez ici pendant la Je mets au défi pour Radio-Canada, tous les médias, de me passer un polygraphe. Ah ouais, hein? Puis tout qu'est-ce que j'ai dit à la commission, c'est vrai. Puis je mets au défi Michel Arsenault. Puis justement, ce qui est ressorti de là, et puis d'ailleurs, on lisait le texte d'Yves Voisvert, votre collègue François, qui disait que, que Michel Arsenault, il était pas si pire que ça, dans le fond. Hein? C'est un peu ça qu'il disait. Qu'il disait que, bah, écoute, peut-être que Michel a pas dénoncé, mais Michel a pas nécessairement participé. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, c'est un leader. Puis un leader, il faut qu'il se tienne debout. Ouais, mais là, il est pas grand. Fait que c'est pas de sa faute. C'est ça. Non, non, mais c'est de ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le plus pire affaire qu'il a fait, c'est que. Tu sais, je suis venu avec toute l'information. Ben ouais. Il aurait pu facilement le quitter dehors. Puis Jocelyn? Ben ouais. Mais c'est parce qu'il a pas fait. Parce que Jocelyn, il tenait Jean Lavallée, un autre directeur par les couilles. Jean tenait Solim. Solim tenait le fond. Il y a beaucoup, beaucoup de testicules dans cette histoire-là. Beaucoup. Mais là, on parle de Michel. Beaucoup de poches aussi. Ah oui, beaucoup de poches, beaucoup de testicules, regardez. Mais c'est une... On parle beaucoup de ça, hein. Ben non, mais. C'est vraiment, j'ai pensé à ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, Rénal Desjardins. Oui. Ah, je me sens mal de faire des jokes sur lui, par exemple. Allez-y. On parle de quoi? Oui. On est au Wilton à Laval. Oui. Puis il m'offre, tu sais, un package, comme dire, regarde, calme-toi avec Dupuis. Oui. Puis à la fin de tout, tu sais, Ken, tous les hommes ont des pénis. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui a des couilles. Organise-toi de les garder. Ah, mon Dieu, que c'est étonnant de se faire dire ça, hein? Ça serait pas plus facile d'être une femme dans ce milieu-là, me semble. T'as moins de choses à perdre. Ouais. Mais Rénal Desjardins, là, est-ce que c'est un monsieur gentil? Il était assez gentil. Ouais. Il n'y a pas de présence. Ça doit être convaincant. Ça doit être tannant de travailler avec des gens comme ça. Je veux dire, à un moment donné, ça fait-tu dormir moins bien la nuit? On dort pas trop. C'est ça. Non, c'est ça. Mais Rénal, on parle de Rénal déjà. Non, j'ai plus envie de parler de Rénal déjà. Je vais être bien honnête avec vous. Plus non plus, je pense. Non, c'est ça. Puis regarde, je veux me créer une famille. En même temps, j'ai une vie, j'ai du fun. Arsenault, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Puis est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux qu'Arsenault? Son exécutif. Tu sais, le milieu de la construction, à la fin de tout ça, parce que le nouveau président disait justement, bon, c'est le temps de se refaire une image, il faudrait que la commission Charbonneau nous laisse tranquille un peu. Mais là, l'image de la construction au Québec souffre encore, puis j'ai l'impression qu'elle va souffrir pendant encore longtemps. Ouais. Par exemple, quand on fait des constructions à la maison, tu sais, bon, vous n'êtes pas propriétaire, faites savoir, mais un jour, vous le serez. des fois, on veut faire des rénovations, puis on se dit comme, hey, je sais pas si ça me tente d'engager quelqu'un, j'ai l'impression qu'on va me faire avoir. Mm-hmm. Y a-tu moyen de réparer cette image-là? Et y a-tu moyen de ne pas se faire avoir en construction? Ça va être dur. Ah, tabarouette. Dans le résidentiel, je vais vous donner un exemple. Dans le résidentiel, ici, on est tout ici. Là. Ouais. T'sais, un gars qui va faire ton asphalte, ta toiture. Ouais. T'sais, tout ce qui est résidentiel travaille au noir. Puis ça, c'est une façade que personne ne veut parler, personne ne veut cogner. T'sais, je veux dire, moi, j'ai déjà dit à la commission, je dis, vous voulez vraiment prouver quelque chose? Partez une compagnie. Oui. Puis engager des entrepreneurs. En dedans d'un mois, vous allez voir, ils vont tous vous offrir... de travailler au noir. Ça se fait. Un jeudi, aller dans une taverne à Montréal. Le contracteur, les petits contracteurs, des chadons qu'on appelle, là, ils payent tous leurs gars en cash. Ah, mon Dieu, que c'est déprimant, cette affaire-là. Moi qui voulais refaire ma salle de bain en fin de semaine. c'est ancré, puis personne ne veut en parler. La commission de la construction n'en parle pas. T'sais, je veux dire, les locaux, eux autres, ils n'en parlent pas, parce que des fois, ils sont dans la gamique aussi avec. Dans la brique, là, la brique, c'est rien que de ça. Ben mon Dieu, c'est bien le fun, cette affaire-là. C'est-tu juste comme ça au Québec ou non, c'est même partout. En Alberta? Là, vous travaillez en Alberta, là. Oui, mais pour donner un peu crédit au Québec, on peut chialer contre Québec, McLean's, le magazine, on est... Sauf que c'est nous autres qui a des commissions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, avec tous nos défauts, on a quand même quelque chose, on l'a exposé. On est des couilles canadiennes, dans le fond. Oui, définitivement. Mais là, avant de terminer, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous travaillez en Alberta 2 semaines, vous revenez ici 1 semaine, parce que vous n'êtes pas capable de travailler au Québec. Ben, je suis blacklisté, blackballed. Ah oui, à ce point-là. Blackballed. Blackballed, d'accord, mais voyons donc! Non, ben, normalement, ça fait là. Fait qu'il n'y a pas moyen qu'un jour... Vous travaillez au Québec encore en construction. Ben, juste pour vous montrer comment c'est incroyable que c'est... Tu sais, le système, les syndicats, il n'y a pas un contracteur qui va m'engager parce que lui a peur des comebacks. D'avoir des représailles, ouais. C'est ça. T'sais, moi, je travaille en Alberta, c'est au sable bitumineux. Ouais. J'ai 250 hommes en dessous de moi. Je ne suis pas capable de balayer une roulotte à Montréal. C'est quand même c'est fou, triste. Ben, oui, c'est triste. Puis, est-ce que vous pourriez... J'ai fait ma vie ici. Hein, ben, c'est ça. Est-ce que vous pourriez balayer les locaux de la commission, peut-être? Il y a peut-être de quoi avoir là. Au moins, il faut rester au Québec. Bien, déjà, en partant, ça, ben, c'est ça, je suis en train. Mais écoute, je voulais pas moi, dire je suis en dans nom, l'industriel. Mais... Hein, moi, c'est ça, mais il n'y a pas moyen de faire de la rénovation. Je ne connais pas des gars que je peux engager pour faire la rénovation. Hey, Jocelyn, il en connaît plein. Ah, c'est ça. Bon, on dirait que ça me tente moins de l'appeler, Jocelyn. Je suis plus stressé, moi. Parce que sûrement que Rénal doit connaître ça aussi. Vous avez son numéro encore? Avez-vous encore des contacts avec Rénal Desjardins? Non. Non? Non, ça finit là. C'est fini? C'est un meeting, là. Non, je comprends. Je sais pas, des fois, tu sais. Merci, bye. C'est un gars ben utile à avoir. Charmant. Oui, bon. Rénal, connais-tu Rob Ford? Non, mais peut-être qu'il connaît son dealer. Ah, c'est ça! aussi. Hey, on pourrait continuer ça encore pendant une heure. Malheureusement, il faut qu'on cesse. Mais merci beaucoup, Ken. Je pense qu'on a besoin d'une autre bonne main d'applaudissement pour Ken. Ouais. Merci énormément. Hey, Fred. Oui. Présentez-nous dans notre prochain chroniqueur. S'il était un jambon, il serait tout un modèle pour la communauté jambon. Mais heureusement, il ne fait que les écouter à la radio. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben, difficile semaine pour un Mario Dumont qui a dû se rendre à l'urgence pour ensuite revenir indigné de ne pas avoir été servi. Comment ça se fait que Walmart, quand ils savent à Noël qu'il va y avoir plus de monde, ils rentrent plus de staff, puis qu'une urgence, quand même, qui va avoir 100 personnes, on rentre pas un deuxième, un troisième, un quatrième médecin. Walmart, une urgence, même affaire. À la seule différence que quand la madame apprend que sa jambe va être amputée, ben là, madame est pas contente. Faut dire que Mario Dumont est passé maître dans l'art de vulgariser des sujets complexes afin que le vrai monde, duquel il semble avoir une très haute opinion, comprenne. L'économie, par exemple, ben c'est comme les petits bateaux qui vont sur l'eau. Tu sais, quand le niveau d'eau monte, là, sur le fleuve, là, ça monte tous les bateaux, là. Les petits bateaux comme les paquebots. Si tu lèves le niveau du fleuve d'un pied, tu lèves tout le monde. Oui. C'est vrai aussi pour l'économie, là. Oui, à moins que les riches se soient fait un paquebot avec le métal des chaloupes des pauvres, ou à moins que les pauvres embarquent tous dans le bateau des riches, puis que là, tout le monde coule parce que c'est trop lourd, surtout si Jean Lavallée était là avec sa bedaine. Des fois, faut s'y faire. La vie, c'est juste compliqué. Ben, à moins d'être Jean Tremblay, là. Dans un sens, on est au ciel, mais on le sait pas. Nos yeux sont pas ouverts. Nos yeux voient seulement ce que nos sens nous permettent de voir. Mais on voit pas les anges, on voit pas tout le bonheur du ciel. Mais à un moment donné, on va mourir, puis ça va être comme une nouvelle naissance. Hey, j'ai assez hâte que Jean Tremblay se présente pour les conservateurs pour voir les anges dans nos campagnes électorales. Sinon, la grosse nouvelle cette semaine, c'est l'histoire d'agression sexuelle qui aurait été commise dans la maison de Jean Pascal. Stéphane Gendron, après avoir entendu l'histoire telle que rapportée par Jean-Charles Lajoie à Radio X, en arrivait à cette conclusion. Mais admettons qu'il n'y a pas eu de drogue, Jean-Charles. T'es d'accord avec moi là que la fille là est un peu nunuche de s'en aller chez quelqu'un à 3h du matin sans savoir ce qui l'attend, là. Eh oui, mesdames, si vous allez chez un garçon à 3 heures du matin, c'est pour faire l'amour, que vous le vouliez ou non. Justement, puisqu'il est question de drogue du viol, Sylvain Bouchard de Cogeco a tenu à faire quelques précisions à ce sujet. Et selon des experts que j'ai déjà interviewés, on parle de 80 à 90 % des filles qui disent « Il m'a mis de quoi dans mon verre ». Oui, il y a eu de quoi dans le verre. Ça s'appelle un shooter et de l'alcool. Puis la fille avait pas mangé de la journée. Alors, dans la plupart des cas, rendu à l'hôpital, il n'y avait pas de traces de GHB, OK? Sauf que selon des experts que j'ai interviewés sur Google, c'est parce que le GHB est trop rapidement éliminé par l'organisme qui est difficile à détecter, et non pas parce qu'une fille, ça sait pas boire. Enfin, Jean-Sébastien en a parlé avec délicatesse. Éric Duhaime a cru bon conclure que l'histoire de Jean Pascal est typique des héros de race noire. Puis malheureusement, j'ai l'impression que quand ils ont des héros, c'est souvent malheureusement des zéros. En effet, à part Daniel Brière avec le Canadien, je ne vois aucun héros blanc qui s'est avéré être un zéro. D'ailleurs, après s'être fait traiter de raciste par de nombreuses personnes, Éric Duhaime a tenté de renverser la situation. Je trouve que le qualificatif vient vite. Puis il est pas nécessaire. En quelque part, ça banalise le racisme quand on l'utilise à toutes les sauces. Ouais. Je dirais bien que c'est assez con comme défense, mais j'aurais peur de banaliser la connerie. Parlant de héros déboulonnés, mercredi, la commission Charbonneau nous révélait que Tony Accurso n'était pas content que des Chinois obtiennent des contrats d'ingénierie au Québec et qu'il avait demandé à Michel Arsenault de la FTQ de faire de la pression sur Jean Lapierre pour qu'il en parle en onde, ce qui fut fait. Jean Lapierre manipulé par la FTQ, je trouve ça très, très rafraîchissant. Ça ferait changement de Jean Lapierre manipulé par le PLQ. Reste que, en bon spineux, Lapierre a voulu spinner ça de son bord. C'est Arsenault qui m'avait mentionné ça, ça fait que moi, j'ai checké ça, puis j'ai sorti ça en onde, puis il dit, imagine-toi, c'est un tabarnak, celui-là, j'ai dit ça, puis il sort ça en onde. Ben ouais, mais moi, quand le monde me parle, là... En fait, selon l'écoute électronique, c'était pas Jean Lapierre en a parlé le tabarnak, c'était Jean Lapierre en a parlé et en passant, c'est un tabarnak. Terminons avec un peu de sport puisque lundi, Canadien n'allait pas très bien et Ron Fournier non plus. Daniel, capable d'en donner un peu plus, Daniel. Faut t'en donner un peu plus, Daniel, boy, bro, Daniel. Faut t'en donner un peu plus, Daniel. T'en donnes pas un peu plus, m'excuse. Ça n'a rien à voir avec tes 4 millions, je te jure. Faut t'en donner un peu plus. Pète-toi en face, en quelque part. Donne-en plus, Daniel. Et qu'est-ce qui est arrivé hier soir? Ben oui, Daniel Brière a scoré en échappé. Une lueur d'espoir pour la communauté noire. Oui, les héros peuvent être réhabilités. Merci, Olivier. Eh bien, continuons dans ce bon rythme et allons écouter un peu de Kevin Gosselin au Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. Toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Arien, Kevin Gosselin dans vos oreilles, et je dois l'avouer, je suis très, très, très inquiet. Non pas de la disparition de notre station, ça ce n'est pas une inquiétude, c'est devenu un mode de vie. Non, je suis inquiet parce que j'ai lu dans le Journal de Montréal cette semaine le grand dossier très, très fouillé, avec des gros tableaux colorés sur la faillite prochaine du Québec. Je ne sais pas si vous avez lu l'étude des HEC qui prétend que le Québec vit au-dessus de ses moyens. Moi non plus, je ne l'ai pas lu, mais je le crois. Ça n'a pas d'allure, les programmes sociaux, puis tout là, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. parle, ça doit être vrai. Quand une infirmière gagne plus qu'un animateur de radio, je pense qu'on a un problème. Et venant d'une université de gauche comme les HEC, je pense que ça doit certainement faire réfléchir nos économistes socialistes qui pullulent dans les banques et à la caisse populaire. Ça fait 30 ans que je l'entends, cette prédiction. Elle est enfin arrivée. Nous allons frapper un mur collectivement à force de prendre 2 semaines de vacances par année et de rouler sur des gros salaires de 40 000 $. Et nous aussi, on va enfin comprendre ce qu'est un mur des lamentations. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour saluer tous les Israélites qui nous écoutent. Shalom à l'écoute à vous tous. On va se donner courage et écouter une pièce qui résume tellement bien l'irresponsabilité de nos gouvernements communistes depuis 50 ans. Alors écoutons la pièce I Never Knew de John Coltrane et Kenny Burrell, parce que le Québec brûle sur les ondes du Radio X Jazz, le 91,1. Ah. Hey Fred, il a presque la même voix que vous, hein? Ouais, c'est vrai. C'est un drôle d'adon. Mais il y a une meilleure prononciation. Oui, ben ça, c'est clair. Mais c'est un professionnel. Oui, oui, voilà. Alors, on va retrouver Jean-Sébastien Girard pour un dernier segment. Jean-Sébastien? Oui. Énormément de courriels pour Philippe Fuimou. La boîte déborde ici. Alors, on commence rapidement. Bonjour Philippe. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit à propos de vos attributs? Et c'est signé Homme curieux de la Bill James. Car. Tu parles de quoi? Tu parles de mes grosses lèvres? Arrête de les regarder par bracelet. Mon Dieu que j'ai ça quand j'ai des malaises dans mes chroniques. Deuxième courriel maintenant. Deuxième courriel. Allô Philippe, je t'écoute et franchement je trouve que tu es vraiment moins intelligent que nous autres. Et c'est signé D.R. Mayou. pour un petit blanc avec des petites lèvres, là, t'embrasses pas pire, sérieux. D.R. Mayo qui vous trouve pas tellement intelligent. D.R. Mayo, Docteur Mayo, ça me dit quelque chose. Oh, ça, c'est lui que j'ai cassé à tout le monde en parle pour qu'on n'a jamais revu à télé. Oui, voilà. Il place, lui. Hey, lui, il puait. Troisième courriel maintenant, courriel qui nous vient de E2M de Montréal. Allô les gars, j'ai une bonne joke pour vous autres. Alors on lit ça. D'après vous, qu'est-ce qui est long et dur chez un noir? La réponse, sa 4e année. J'en ai une devinette, moi aussi. Qu'est-ce que... OK, d'où vient tu aimes? D'où vient-il? D'où vient tu aimes? Je l'ai pas dit. Il vient démagogue. Ah! Oh! Oh! Oh! Ben meilleur. Beaucoup d'esprit, malgré votre petit défaut, Philippe. Un dernier courriel. Bravo, Philippe. Et ça nous vient d'un cas Pereira de l'Alberta. Et ça va comme suit. Bravo pour votre passage. C'était un très beau reportage. Vous avez fait passer un beau message. Oh. Quoi, moi, je comprends pas ça, moi, le créole de cette île. Philippe Fumiou, je trouverai jamais les mots pour vous remercier d'avoir été avec nous. Je dis à bas le racisme et on se rappelle, hein, comme dit toujours ma mère, des mauvaises personnes, il y en a dans toutes les races, Philippe. Je vois ça ici à la Radio-Canada, effectivement. Merci, Jean-Philippe. Hey, c'est tellement le fun de travailler avec vous, Jean-Sébastien. Là. C'est un plaisir à chaque semaine. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir. Eh bien, on va terminer ce soir-là avec le dernier chroniqueur. Je vous en prie, Fred, allez-y. Notre correspondant parlementaire nous fait découvrir quelque chose d'insoupçonné provenant d'Ottawa. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey! Hey, hein? On finit ça avec un Italien. Ben, hein? Attends, barouette, on va en profiter. Hey! C'était la rentrée pour le parlementaire à Ottawa. Oui. Et ben, il n'y a plus de sénateurs libéraux. C'est donc maintenant, ça. Ben oui, Justin Trudeau qui a décidé d'expulser ses sénateurs. C'est une suite logique. On se souvient quand même qu'il avait expulsé déjà le contenu de son parti. Ouais, c'est ça. C'est étonnant, ça. Et comment va réagir Stephen Harper? Ben, en faisant rien, comme d'habitude. Parce que M. Harper a quand même d'autres préoccupations quand il n'est pas en train d'expulser, lui, la science de la connaissance de l'université. Il est un grand chanteur, oui. On l'a vu, son dernier voyage en Israël. Hein, il a chanté, ou plutôt, il a faussé Hey Jude. Hey Jude à la Jude. Ce qui a ravivé quand même, on se souvient, les tensions et ramené les risques d'attentats au Proche-Orient. Oui. On savait pas là-bas qu'Israël utiliserait une arme aussi inhumaine contre son propre peuple. Les hôpitaux rapportaient que des milliers de gens avaient les oreilles qui saignaient. Non, mais quand même. Stephen Harper a pas seulement poussé la note là-bas, on se souvient aussi de sa reprise étincelante de Quand la soleil des banjos en montagne. C'était bon, ça. Il aime beaucoup le country. Et heureusement pour lui, il est de juridiction fédérale, alors son immunité lui permet d'éviter d'être traduit en justice pour chant ostentatoire. Et au Congrès conservateur, on se souvient qu'il a repris Imagine. Hein, depuis ce temps-là, John Lennon fait un bed-in au paradis pour que ça n'arrive plus jamais. Ouais. Mais il y a un talent de chanteur quand même, le Stephen Harper. Oui, il a fait les auditions générales pour la voix. Ah oui? J'ai appris ça, mais il s'est produit un phénomène étrange. Contrairement au principe de l'émission, là, les juges lui tournaient le dos quand ils l'entendaient chanter. Ah ouais? C'était un peu particulier. C'est un phénomène qui s'était produit en Europe avec un certain J. Villeneuve. Mais, j'ai des nouvelles pour vous. Il n'y a pas M. Pereira qui découvre des choses. À l'instar de Fred, je suis un passionné d'excellence et je fais des pieds et des mains pour l'émission. Je suis donc allé fouiller dans la benne à ordures derrière le bureau du premier ministre et j'ai appris que Stephen Harper, oui, prépare une tournée à travers le pays. Ben voyons donc. Le livre est écrit, les idées pleuvent pas, les élections sont en 2015, donc ouais. Faut bien qu'il s'occupe. Alors, le Stephen Harper Quartet World Canadian Tour va commencer dans les prochains mois. OK, mais là, il va jouer. Il jouera pas seul. Il va jouer avec qui? Va jouer avec pas Neil Young. Et Il est bon, pas Neil Young. Et on songe notamment à Dimitri Soudas au violon. Il est bien bon là-dedans. Oui. La première partie va être assurée par Tom Cochrane qui va chanter 5 fois de suite Life is a Highway parce que c'est sa seule chanson. Mais au Québec, vous le savez, Société Distinct, c'est le groupe Caïn qui va chanter la première partie et qui va sortir de scène après 3 chansons en sacrant après l'ancien chanteur de Styx. Ça va être bon. Et je suis ton sur la liste des pièces que M. Harper va interpréter parce qu'évidemment, il s'inspire de l'actualité. Mmh. Alors, d'abord, il va commencer avec Money, à l'honneur du péage du pont Champlain. Ensuite, chanter un peu de Midnight Oil aussi, et The Doors aussi, où est-ce que le vers Roll Baby Roll est remplacé par Drill Baby Drill. Ça va être bien, bien bon. Ça va être très bon, ça. Une chanson d'Arctic Monkeys aussi, pour illustrer sa conquête simiesque de l'Arctique. Et... Seigneur Dieu. Et des artistes québécois aussi, en hommage à ses députés. Il va reprendre un succès de Simple Plan, Shut Up. Ouais. Recherché aussi de Jeannot Bergeron, un hommage aux fonctionnaires qui osent couler de l'information aux médias. Oui. Pour les changements climatiques, il risque de chanter C'est chaud de Mitsou. Il n'est pas sûr encore de cela. Ah. Et le scandale du Sénat l'inspire aussi beaucoup. Coupable d'Éric Lapointe, ça va être dans son répertoire. Et clin d'œil au chèque à l'ordre de Mike Duffy, 1000 après 1000. Ça va être bien. D'ailleurs, on sait que M. Harper aime beaucoup le country. En hommage à la reine, il chantera J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Effectivement. Et bien sûr, des chansons des Beatles. I Want to Hold Your Hand, toujours pour la reine. Happiness is a Warm Gun pour le registre des armes à feu. Ouais. Et cette semaine, il a ajouté une chanson à la liste pour Justin Trudeau qui expulse ses sénateurs. La chanson You Say Goodbye, I Say Hello. Ça va Et on a prévu évidemment un rappel chanté par la foule. Bye bye, mon cowboy. Ça va être exceptionnel. Merci beaucoup. C'est déjà terminé. Restez à l'écoute dans quelques minutes. C'est la Bibliothèque de René. On remercie toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, mais surtout Jean-Sébastien Girard pour sa délicatesse et son doigté. Franchement, sans lui. Un gros merci à nos invités de ce soir. François Cardinal, on le lit dans la presse plus aussi, le blog. Vous êtes partout. On vous lit sur Montréal. Et Denis Coderre, 4, 8, 12 ou 16 ans à la mairie. Ah, c'est une bonne question. Ah, je lui donne au moins 8 ans. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle. 8 ans de gomme et de marchage en même temps. Mais rappelons-nous que Gérald Tremblay a eu 10 ans. Ouais, quand Mélanie même. Jolie, là. Pardon? Mélanie Jolie? Ouais. C'est bon, OK. OK. Bon, Ken Pereira, merci énormément. Bon retour au travail. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes un ami d'émission. Merci énormément. Un merci à nos invités. Et réécoutez-nous en balado sur iTunes. Vous venez la semaine prochaine, nos invités Rémi Girard et André Sauvé. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah.